Portrait d'assaut sur Fadjet. Bonjour et bienvenue à tous dans ce portrait d'association. Aujourd'hui, on va faire le portrait de l'association pour le développement de l'Ouanga au Burkina Faso. Est-ce que vous pourriez, au micro de Radio Fadjet, vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, donc je suis Pascale Bastien-Quéré. Je suis la présidente de l'association pour le développement de l'Ouanga, qui a été créée en 2005. Et donc, moi, je suis franco-burkinabé, c'est-à-dire que mon mari est burkinabé. Nous travaillons dans son village et je vis au Burkina depuis 1990. Je fais de l'humanitaire depuis très longtemps. Et donc c'est ça avec votre mari, Maître Paul Kéré, originaire de Ouanga. Et justement, pourquoi avoir choisi de créer cette association ? C'est quoi la genèse un peu du projet ? Disons, je vais au Burkina depuis 1990 parce que le Burkina est un pays qui accueille le plus d'associations humanitaires. Enfin, c'était un pays, puisqu'aujourd'hui la situation a un peu changé. Il y a énormément de besoins. Il y a des besoins sur la santé, sur l'éducation, sur l'eau, sur la nourriture. Enfin, il y a des besoins énormes. Et donc, moi, je suis allée une première fois au Burkina pour accompagner pour une école. Et puis après, la vie a fait que j'ai rencontré mon mari et on a trouvé la nécessité de créer cette association dans son village parce qu'il y a un vrai besoin. La majorité de sa famille est du village. On a senti, et même on a eu beaucoup de demandes, parce que vous savez que quand quelqu'un du village part en France pour rejoindre la diaspora, comme ils disent, ils attendent énormément, ils attendent beaucoup d'aide. Donc on a créé l'association parce qu'on s'est rendu compte que c'était déjà administrativement plus facile quand on faisait des démarches, mais aussi parce qu'il y avait un réel besoin, il n'y avait rien dans le village. Et justement, pour aider au développement de ce village, quels ont été les tout premiers projets à être mis en place ? Le premier projet que l'on a eu, c'était l'équipement du dispensaire. Le dispensaire avait été construit par l'État sur la demande de mon beau-frère, du frère de mon mari, qui avait quand même insisté pour qu'on puisse avoir un dispensaire, mais il était vide. Il y avait des infirmiers, il y avait le dispensaire, mais il était vide. Donc moi, comme je travaillais dans les hôpitaux sur Nancy, j'ai récupéré du matériel et on a équipé le dispensaire. Équiper le dispensaire, ça veut dire tout apporter. Les lits d'hôpitaux, ça veut dire apporter les tables d'intervention, les bureaux, les chaises, le matériel, enfin il faut tout apporter. En notre action, notre projet que vous avez réalisé, il y a eu également différents types d'autres projets. Vous venez également en aide justement depuis la France. On fait différents projets. Ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a construit une maison des femmes. Après, on a construit une école, on a fait des forages, on a construit des cantines, on a payé les fournitures scolaires, on paye la cantine scolaire. Et toute l'aide, elle vient de la France. Alors, il y a deux types d'aide. Il y a l'aide des donateurs, c'est-à-dire des privés qui nous donnent de l'argent, qui nous font des dons. Et puis, il y a une grosse partie de l'aide qui vient et qui venait, puisque maintenant c'est arrêté, des collectivités territoriales, conseil départemental, conseil régional, l'agence de l'eau, des structures nationales qui aident les associations qui font de la solidarité internationale. En parlant d'aide dans votre association, combien il y a de personnes ? Comment ça s'organise ? On est 33 personnes. Les personnes sont toutes des amis, bien sûr, c'est toujours comme ça dans les associations. Hein. Ce sont des amis, soit des amis de la famille, soit des amis qu'on a ramenés comme ça. Et c'est surtout des personnes qui, soit d'une part, avaient envie vraiment de nous aider, mais d'autre part, il y avait aussi des personnes qui avaient envie d'aller découvrir le pays. Donc la majorité des membres de l'association sont venus une fois au Burkina. On fait à la fois accueil, découverte du pays et semaine humanitaire. C'est-à-dire pendant une semaine, on est dans le village et on fait une action pour faire des chantiers. Et donc ces personnes, elles ont à cœur de aider justement Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez vu la situation, que vous avez vu concrètement de quoi l'on parle, parce que c'est tout le dire, la situation est difficile, la santé c'est pas ça, l'éducation c'est compliqué parce qu'il y a 100 élèves par classe, au niveau de la santé, tout le monde ne peut pas avoir accès aux soins, la cantine scolaire elle est pas payée, les enfants ne mangent pas des fois pendant des mois à midi, une fois qu'on leur dit ça, mais quand on le voit concrètement, quand on est sur place, sur le terrain et qu'on voit la situation, on comprend. Et donc les gens ont à cœur après de nous aider au quotidien. Parce que là, les principaux défis actuels qu'il y a en termes de développement au Burkina, justement, c'est quoi principalement ? Le Burkina est dans les 10 pays les plus pauvres du monde, hein, au niveau du classement qu'on appelle du PNUD, le classement national des pays, avec sur les facteurs santé, éducation, accès à l'eau. Puis il y en a d'autres. Et donc le Burkina ne répond à aucun de ces critères pratiquement. Et donc pour la santé, bon, on est dans des conditions terriblement difficiles puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, donc que pour les fonctionnaires. Donc les gens ne vont pas se faire soigner. Ou quand ils vont se faire soigner, ils n'ont pas les moyens de payer, ils vont pas chercher leurs médicaments. Pour l'éducation, aujourd'hui, on arrive à avoir... aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'alphabétisation du pays est à 29% alphabétisation. Le taux de scolarisation est un peu plus de 85% parce qu'il y a les grosses scolarisations dans les villes, mais il y a un besoin. Et les enfants sont 100 par classe. Avant qu'on construise la deuxième école du village, les enfants, il y avait 700 enfants dans 6 classes. Donc aujourd'hui, on a dédoublé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 950 enfants dans 12 classes. C'est déjà bien mieux. Mais voilà, et donc, et puis les femmes, il faut leur donner les moyens d'avancer, puisque c'est en Afrique, on sait que c'est la femme qui est le cœur du système. Et donc, l'accès à l'eau, il n'y avait pas de forage. Donc, nous, on a fait 4 forages. Après, il y en a d'autres qui ont été faits pour accéder à l'eau potable, parce qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Donc, les gens n'ont pas les moyens d'amener tout ça. Donc, tout ça, on le fait au quotidien et depuis 2005. Ces projets, vous les multipliez. Et là, j'ai vu également sur votre site internet, donc adloanga.org, qu'il y avait la finalisation du centre de documentation débuté en 2022 et qui doit se terminer en 2024. Où est-ce que ça en est, du coup, ce projet ? Alors, le centre de documentation, il est ouvert. Il a été ouvert en octobre 2023. On vient de terminer le deuxième bâtiment qui s'appelle le hall de lecture et nous avions envoyé des containers en 2020-2021 et il y a 1800 livres qui ont été envoyés. Des livres donnés par les collèges de Pulnois, et puis des livres donnés par les privés, des bibliothèques qui fermaient, qui nous ont donné des livres. Donc, le centre est bien équipé. Maintenant, il faut pousser la population, et notamment les enseignants, à dégager du temps pour aller lire. C'est un pays de culture orale. La lecture ne fait pas partie du quotidien. Personne ne lit là-bas. Mais les livres, c'est pour les élèves, les étudiants. Et on est en train de monter un projet complémentaire, c'est-à-dire on est en train de faire le raccordement. Enfin, je suis en train de monter un dossier, je suis en train de le rédiger en ce moment, pour demander des financements pour un raccordement à l'électricité, pour pouvoir ouvrir une salle informatique, pour former tout le monde à l'informatique. Et donc, ce centre, il va vivre. Mais il faut, bien sûr, en Afrique, tout est lent. Donc, il faut l'accompagner, il faut pas lâcher. Il faut bien leur expliquer. Moi, je négocie beaucoup avec les directeurs de l'école et le directeur du collège, et même pour les directeurs des lycées autour, pour qu'ils aillent utiliser ce centre de documentation, parce qu'ils ne savent pas utiliser un centre de documentation. Et donc, je suis accompagnée par le GREF, le groupement des éducateurs sans frontières, avec des documentalistes qui vont nous aider à faire vivre ce centre de documentation. Pour suivre les avancements de vos projets, de vos actions, est-ce que vous avez des réseaux ou des liens sur lesquels on peut vous suivre ? Aujourd'hui, on suit sur Facebook, et puis on a notre site internet, c'est un petit peu comme ça qu'on donne l'actualité de ce qui se passe au niveau du village. Et puis on donne aussi nos activités, nos actions en France, ce qu'on fait en France pour trouver des financement. À l'avenir, alors, quels sont vos projets justement pour continuer à développer l'association ? Alors, on a beaucoup de projets. Notre prochain projet, c'est un projet de traitement des déchets et de recyclage des déchets. Mais aujourd'hui, on est un petit peu confronté à une difficulté qui est due aux relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso, Mali et Niger, puisque ce sont les trois pays qui ont eu des coups d'État et pour lesquels l'État français a arrêté toute relation diplomatique. Et ces relations diplomatiques, elles se manifestent par un blocage des aides financières, c'est-à-dire les collectivités territoriales, conseil départemental, conseil régional, agence de l'eau, qui étaient nos principaux financeurs, ont une interdiction formelle du gouvernement de nous aider. Ce qui fait que derrière, du coup, c'est une action très forte. Nous, on n'est pas du tout des politiques, on est de la société civile. Et du coup, c'est un impact très fort pour les populations, parce que les populations sur place ne comprennent pas pourquoi on ne peut plus les aider si rapidement. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis avec une vingtaine d'associations de la région et on a rédigé un manifeste, un plaidoyer, où on explique qu'on ne comprend pas pourquoi l'impact politique et diplomatique a une action directe sur nous, associations privées, et encore plus sur les populations là-bas. C'est-à-dire pourquoi favoriser et pénaliser la population directement parce que les politiques ne s'entendent pas. Ce plaidoyer, il sera bientôt sur notre site internet, il est en train d'être signé. Vous avez vu que sur le site, il y a aussi les plaidoyers de Cité Unifrance. On fait partie du groupe Cité Unifrance. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire céder notre gouvernement en disant n'arrêtez pas de nous financer. Parce que c'est les populations qui vont en souffrir. Et on sait très bien qu'une population qui souffre, c'est une population qui migre. Et une population qui migre, c'est nous qui récupérons les migrants. Donc il faut être clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on ne veut plus de migration et que derrière, on n'aide pas les populations sur place pour leur éviter de partir. Donc voilà. Donc nous, on est très déçus. Et pour nous, c'est un impact très fort pour les populations qui ne comprennent pas ce qui se passe. Eh bien, merci Pascal Bastien-Quiré pour toutes ces informations sur votre association. L'émission est à retrouver sur le site internet de Radio Fadjet. En attendant, portez-vous bien. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.